savoir comment mettre l'eau dans un carcan. Nord, sud, l'est, à l'ouest, pas ni l'arcan. Connais mon art, la fabrique de narcotique. J'ai goûté son paquet, c'est de la fracotie. Les grandes gueules sont enfoncées dans les crocodiles. Laisse ce qu'on te redire, et je compte le bif. Tu fais le you, va sur le nez pendant que je deal. M'appelle pas le frôlo, c'est pas la même mif. Sache que tous les fans sont les Yankees. Willie Money remplit la terrine. N'est des vulnérables, pas la terreuse. Tu me clashes pour la weed, mais t'es sérieux. Big Buddha, merci pas les bras de Shiva. Négro trompiste pour penser au diaz. À gauche, MTK, droite, Sativa. Fin mix, c'est deux pour amorcer le virage. Les ennemis tireront Willy à la bonne weed. Faut des milliers de kilomètres pour être servi. Putain, c'est plus quoi faire pour être crédible. Non, non, la maison ne fait pas crédit. Le labo est complet, y'a tous les ateliers. Willy Sensei, je forme, j'ai des écoliers. Des pieds de weed, juste pour tuer, juste pour décorer. Amis au skunk, t'as le choix pour décoller. Y'a toutes les chutes dans mon labo. Franchement, Willy, t'es vraiment un druide. Willy, fabrique la bonne weed. C'est la patate.